Bah moi c'est Charlie, je suis élève à l'école supérieure du Bois et puis bah là on travaille sur un projet qui s'appelle Urbaine. Un projet qui vise à créer une recyclerie qu'on voudrait intégrer dans les parcs d'une ville, Nantes si possible, et puis pourquoi pas d'autres. Et on est un groupe de 5 et voilà, on travaille là-dessus depuis plus d'un mois et puis on va encore travailler dessus un bon mois donc. Le projet, ça avait été lancé par des étudiants en première année à la base. C'était quoi le nom de la poubelle à la base? C'était Le quoi ici? nom de la poubelle à la base c'était Exabine. C'était Xabine, ouais. Ouais, Vous avez le apporté quoi comme modification dessus, du coup, depuis? tout. Tout, vous avez tout changé. On a beaucoup changé le projet de base. On a gardé quand même une petite fidélité, un clin d'œil au projet initial, c'est la forme hexagonale. Mais sinon, on a changé beaucoup de choses. On a augmenté la taille radicalement. On a fait pour que ce soit plus extérieur, pour que, enfin, que ce soit plus sympa à regarder avec une partie végétale. Du coup, ça c'est cette poubelle, elle irait dans quel espace et pour quel public? Bah, l'idée ce serait une poubelle tout public en fait qui aille dans un parc et où tout le monde pourrait trier relativement facilement grâce à des petits boutons qui nous permettent en fait de choisir quel type de déchets on a et ça allume en fait la poubelle correspondante pour que chacun trie correctement ses déchets. Et si j'ai bien compris, il y avait aussi un système d'espèce de concours ou Ouais, avec il le. y a, ouais, y a un système de concours qui viserait en fait à classer les parcs qui trient le mieux dans la ville. Donc ça passerait juste par des petites affiches en gros qui trie le mieux dans la ville, quel parc va gagner, et pour inciter en fait les gens à trier, à faire gagner leur parc. Dernière question, qu'est-ce qu'il vous reste à faire du coup maintenant? Vous en êtes là? Bah là, on est arrivé sur un design à peu près définitif. Là, on va se lancer sur on va se lancer sur les conceptions techniques. On va commencer à regarder comment on va faire ça, quels matériaux on va utiliser, quel prix ça va nous coûter, des choses comme ça. Et puis bah là, c'est un peu la dernière ligne droite dans le projet, du point de vue école. Et puis bah, du coup on espère pouvoir le faire en entier à la fin de l'année et puis pourquoi pas le vendre, essayer de le vendre, ce serait génial, à un ou plusieurs parcs à Nantes ou ailleurs.